Psaume 34. Psaume de David, sur ce qu'il change à son extérieur en la présence d'Abimélec, qui le chassa, et il s'en alla. Aleph, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement en ma bouche. Beth, mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront, et s'en réjouiront. Guimel, magnifiez l'Éternel avec moi, et exaltons son nom tous ensemble. Dalet, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. I, Vo, l'a-t-on regardé, on en est illuminé, et leurs faces ne sont point confuses. Zayn, cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé, et l'a délivré de toutes ses détresses. Et, l'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qui le craignent, et les garantit. Tet, savourez, et voyez que l'Éternel est bon, oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Jo, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Caf, les lionceaux ont disait, ils ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, n'auront besoin d'aucun bien. La Mède, venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Même, qui est l'homme qui prenne plaisir à vivre, et qui aime la longue vie pour voir du bien? Nain, garde ta langue de mal, et tes lèvres de parler avec tromperie. Samech, détourne-toi du mal, et fais le bien, cherche la paix, et la poursuis. Agin, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. P.E., la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour exterminer de la terre leur mémoire. Sed, quand les justes crient, l'Éternel les exauce, et il les délivre de toute leur détresse. Kof, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Resh, le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Saint, il garde tous ses os, et pas un n'en est cassé. To, la malice fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste, seront détruits. P.E., l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui, ne sera détruit.